إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères, dans cette assise, Inch'Allah Ta'ala, nous allons donner des conseils pour les personnes éprouvées par un fléau qui, bien malheureusement, est répandu dans de nombreuses sociétés. Ce fléau est la sorcellerie, al-sihr. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a interdit ce grave péché et a même statué de la mécréance de son auteur, celui qui pratique la sorcellerie. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. Il n'enseignait, c'est-à-dire la sorcellerie, à personne avant de leur dire nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. Les savants du tafsir ont stipulé que ce verset est une preuve explicite de la mécréance de celui qui apprend la sorcellerie, mais également de celui qui pratique la sorcellerie. Et ce fléau, comme on a dit, il fait partie des choses qui sont pratiquées par certaines personnes, même par certaines personnes qui s'affilient à l'islam. Et en souffrent nombre de musulmans. Nombre de musulmans sont touchés par diverses maladies ou pertes de raison ou problèmes conjugaux ou autre chose qui peuvent être causés par la sorcellerie. Et le serviteur, il doit avoir la ferme conviction que ceci fait partie des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrétées. Et que ce qui lui arrive n'est qu'un décret qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit pour l'élever en degré et augmenter le nombre de ses hasanat, augmenter le nombre de ses bonnes actions, s'il patiente dans cette épreuve, ou alors pour expier et lui effacer des péchés qu'il a pu commettre. Et ceci fait partie de la précipitation du châtiment dans ce bas monde. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, il lui précipite le châtiment de ses mauvaises actions ici-bas, avant l'au-delà, afin que lorsqu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il soit purifié de ses péchés. Et c'est pour cela que plus la personne est pieuse, plus elle sera éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui sont les plus éprouvés, ce sont les prophètes alayhi salatu wa salam, puis ceux qui les suivent le mieux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que plus la personne est pieuse, plus il va subir des épreuves dans ce bas monde, afin que sa foi soit mise à l'épreuve et qu'il montre à Allah subhanahu wa ta'ala la véracité de sa foi en patientant face aux épreuves. Ceci dit, il se peut que la personne qui est éprouvée par cela ne sache pas que faire, ne sache pas comment remédier à ce mot et ne sache pas comment affronter cela d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que j'ai souhaité dans cette conférence donner 10 conseils concis à toute personne qui est touchée par cela et toute personne également qui connaît une personne qui est touchée par cela, afin qu'il le conseille de la meilleure manière et qu'il se comporte d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala face à ses épreuves. Donc le premier conseil, c'est de se rappeler que toute épreuve provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il met à l'épreuve ses serviteurs par les épreuves qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il met à l'épreuve ses serviteurs par les épreuves qu'il veut. Il peut éprouver un serviteur par la maladie, mais il peut aussi éprouver un serviteur par la bonne santé. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le mal qui fait partie des épreuves. Mais lorsque tu es dans l'aisance, lorsque tu es en bonne santé, ceci est également une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te met à l'épreuve afin de voir si tu es reconnaissant envers lui du fait qu'il t'ait accordé ce bienfait. Donc il n'y a pas que le mal, la maladie, etc. qui sont des épreuves, mais l'aisance, la bonne santé, la richesse, etc. Ceci également fait partie des épreuves. Et la preuve Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans son noble livre, « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ » Et nous vous mettons à l'épreuve par le mal et par le bien. Fitna. « نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ » Fitna. C'est-à-dire à titre de tentation. Le mal ainsi que le bien. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » Et c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est-à-dire qu'on vous demandera des comptes sur votre manière d'agir, dans l'aisance ou dans la difficulté, lorsque vous étiez en bonne santé, lorsque vous étiez malade, et ainsi de suite parmi les différentes épreuves qui peuvent toucher le serviteur. Donc si une personne est éprouvée par la sorcellerie, la première chose qu'il doit faire, c'est s'empresser vers deux choses. La première est de patienter dans cette épreuve, qu'il patiente, qu'il ne se lamente pas, qu'il ne se révolte pas contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il patiente, il lui a promis sa miséricorde, il lui a promis le bien, il lui a promis les bénédictions et il lui a promis une récompense sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Les patients, ils recevront leur récompense sans compter. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite. La récompense du patient, elle n'a pas de limite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. La deuxième chose que la personne qui est éprouvée par ce mal doit s'empresser de faire, c'est d'accomplir les causes légiférées pour se soigner. Et parmi les causes légiférées, il y a la ruqya, ainsi que les formules d'évocation, l'afkar, les formules d'évocation légiférées. Également les ablutions et ce qui est semblable à cela. Et si la personne trouve le sortilège, trouve le sort, à connaissance de l'endroit où il se trouve, alors dans ce cas-là, que ce soit un nœud, des ficelles liées, que ce soit un papier avec des choses incompréhensibles écrites ou autre chose, alors il se doit de le détruire de manière légiférée. Et ce, en le brûlant par exemple, si c'est un nœud, en le dénouant, en récitant le Coran, « Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas » Puis il brûle le sort qu'il trouve. L'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, il dit si la personne trouve ce qu'a fait le sorcier, comme le fait de faire des nœuds sur des fils ou autres, alors il se doit de le détruire. Et ceci fait partie des manières de se soigner qui sont légiférées. Il dit car les sorciers, ils ont pour habitude de souffler sur des nœuds, c'est-à-dire qu'ils font des nœuds sur des cordes, ils soufflent dessus et ils prononcent leurs incantations pour des objectifs mauvais. Il dit il se peut que ce qu'ils font, cela se concrétise, cela se réalise. Il se peut que cela soit annulé, car ils ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et parfois on peut également traiter ou remédier à la sorcellerie par la lecture, c'est-à-dire la lecture du Coran ou des évocations légiférées. Il dit que ce soit la personne qui est ensorcelée, la personne qui est malade, qui lise elle-même, si elle a sa raison, ou alors qu'une autre personne lise sur elle. Et ce qui est préférable pour la personne, si elle a sa raison et qu'elle en a les capacités, c'est qu'elle lise elle-même le Coran avec l'intention de se soigner, plutôt que de demander à autre de lui faire la ruqya. Ensuite, le shir, rahimahullah, a mentionné les sourates qu'il convenait de réciter. Et il a dit, Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, wal-Mu'awidat. Il n'y a pas besoin que tu connaisses le Coran par cœur pour te soigner par la ruqya. Il y a certaines personnes, lorsqu'on lui dit, soigne-toi toi-même, récite le Coran sur toi-même, il dit, mais je ne connais pas beaucoup de Coran. Tu connais la Fatiha, tu connais Qul huwa Allahu ahad, tu connais Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Ayat al-Kursi. Ceci sont des versets, des sourates que tu connais, que tu as mémorisés. Il te suffit de les réciter avec l'intention de te soigner et ceci est une ruqya qui sera bénéfique pour toi par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, c'est que le fait d'être éprouvé par la sorcellerie, ce n'est pas la fin de la vie de la personne. Il ne faut pas penser que cette épreuve va mettre fin à sa vie ou qu'elle est insurmontable, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison. Mais il faut que la personne qui souffre de la sorcellerie, elle se comporte de la même manière qu'avec une autre maladie. C'est-à-dire qu'elle emprunte les voies légiférées pour se soigner et elle espère la guérison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue d'œuvrer, il continue ses activités quotidiennes, il continue sa vie avec sa famille, et ainsi de suite. Sa vie ne doit pas s'arrêter. Et ceci, c'est un conseil important. Car il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils sont touchés par ces épreuves, ils s'arrêtent de vivre. Du matin au soir, ils pensent à sa maladie. Du matin au soir, ils se plaignent en disant « j'ai été ensorcelé, j'ai été touché par la sorcellerie, j'ai été touché par un djinn ». Il ne fait que se lamenter ou alors il court à droite et à gauche à la recherche de remèdes. Ceci est une maladie comme une autre. Elle n'est pas plus grave qu'une autre. Tu dois te comporter avec celle-ci de la même manière que tu te comportes avec les autres maladies. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter les causes pour te soigner. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Donc tu ne dois pas penser que ceci t'empêche de continuer tes activités quotidiennes. Mais tu continues de faire ce que tu as à faire tout en empruntant les causes légiférées afin de te soigner. Le troisième conseil que l'on donne à une personne qui est éprouvée par la sorcellerie, c'est que le sihr, le sort, ou le fait d'être touché par un djinn ou autre, cela s'affaiblit par la persévérance dans la ruqya et la lecture du Coran. Et ceci peut être difficile pour la personne, mais elle doit se rappeler que plus elle sera négligente dans cela, plus sa maladie va s'aggraver. C'est-à-dire que si la personne, elle délaisse la mosquée, elle délaisse la lecture du Coran, elle délaisse les adhkars quotidiens, les adhkars du matin, les adhkars du soir, et ainsi de suite, ceci va renforcer sa maladie. Le remède, ce n'est pas simplement de te rendre chez un raqi et qu'il récite le Coran sur toi une demi-heure, et tu rentres chez toi et tu délaisses l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des mosquées, loin de la prière, loin des adorations, il se rend chez un raqi, il récite sur lui 30 minutes, 1 heure, 2 heures ou plus. Après, il rentre et il reste dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maladie, elle ne peut qu'augmenter comme ça. Le meilleur remède pour te soigner, c'est que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Que ton cœur soit attaché à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois assidu dans tes prières, assidu dans la récitation du Coran, assidu dans les formules d'évocation du matin et du soir, après les prières, en entrant chez toi, en sortant de chez toi, et ainsi de suite, parmi les formules d'évocation légiférées. Et tu ne dois pas craindre la difficulté que tu peux ressentir lorsque tu lis le Coran. Car celui qui est malade, qui est touché par les djinns ou par le sort, il va ressentir des difficultés à lire le Coran. Mais il doit savoir que cette difficulté, c'est une preuve concrète que le remède est en train de fonctionner, incha'Allah ta'ala. C'est-à-dire que le diable, il souhaite l'éloigner du Coran afin que sa maladie s'aggrave. Et plus il va lire le Coran, cela va être difficile pour lui, mais ceci, c'est un signe que le remède est en train de fonctionner, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il doit persévérer et ne pas s'arrêter à cette difficulté. Mais il continue de lire le Coran. Car les shayatins, étant donné qu'ils sont gênés par cela, gênés par la lecture du Coran, ils vont tout faire pour éloigner la personne de cela. Ils vont l'éloigner du Coran. Ils l'éloignent de la mosquée, ils l'éloignent des compagnons vertueux, etc. Pourquoi ? Car ils sont gênés par ce rappel. Et si tu médites sur la situation de certaines personnes qui sont malades, tu verras que lorsqu'ils voient une personne qui leur rappelle Allah, cela les dérange et peut-être qu'ils s'écartent. Car ils tombent dans le piège du diable. Ils tombent dans le piège du diable et s'éloignent ainsi des personnes qui pourraient les aider à se soigner. Le quatrième conseil, il concerne certaines personnes qui sont touchées par Al-Wasawis, les suggestions du diable. Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème dans leur vie, dès qu'ils ont une maladie, une épreuve les touche, il a un accident avec sa voiture, il a un problème familial, il tombe malade, son vêtement se craque, ou autre, ils pensent immédiatement que ceci est dû à la sorcellerie ou au mauvais œil. Ceci est une simple épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut être due à la sorcellerie, elle peut être due au mauvais œil ou elle peut être due à toute autre chose. Mais il ne faut pas que dès qu'il t'arrive quelque chose, tu dis Je pense avoir été touché par un djinn. Je pense avoir été touché par la sorcellerie. Je pense avoir été touché par le mauvais œil. Celui qui ouvre cette porte, il va vivre toujours triste, toujours soucieux, toujours anxieux, car il a peur d'être touché par ces maux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis contre cela lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ. Ceci n'est que le diable qui fait peur à ses adhérents. Il essaye d'effrayer les croyants. Il leur suggère cette peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ensuite, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Tu ne dois pas avoir peur d'être touché par le mauvais œil. Tu ne dois pas avoir peur des djinns. Ta peur, elle ne doit être que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a mentionné tout à l'heure dans la khutba, tout ce qui t'arrive, c'est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a écrit pour nous. Si un mal doit arriver, il t'arrivera et tu ne pourras rien faire. Et si tu dois en être préservé, tu en seras préservé et nul ne pourra t'atteindre par ce mal. Tout ceci est un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Faqih al-Allama al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, il est très apparent qu'à notre époque, les gens sont beaucoup touchés par les doutes et les suggestions. Wasawis, les suggestions du diable. Il dit s'ils sont touchés par quelque chose de normal, de fréquent chez les gens. Ils vont dire, ceci est un djinn, ceci est le mauvais œil, ceci est de la sorcellerie. Il dit, nous ne démentons pas le fait que le djinn puisse prendre la possession d'un homme. Nous ne démentons pas le fait que l'homme peut être touché par le mauvais œil. Nous ne démentons pas le fait que l'homme peut être ensorcelé. Mais nous ne souhaitons pas que ceci devienne un doute constant chez les gens. C'est-à-dire que la personne, elle a toujours ça en tête. Elle pense que tout ce qui lui arrive, c'est forcément dû aux autres. Un mauvais œil, quelqu'un m'a touché par son œil, quelqu'un m'a ensorcelé, et ainsi de suite. Oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ » et aucun malheur ne vous atteint, si ce n'est « بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » à cause de ce que vos mains ont acquis. C'est-à-dire que tout mal qui te touche, même si c'est le mauvais œil, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'une autre personne soit la cause de cela. La base, la cause réelle, c'est quoi? C'est ce que tes mains ont acquis. C'est-à-dire ce que tu as fait de tes propres mains. C'est tes péchés qui sont la cause de cette épreuve. Donc la première personne que tu dois blâmer, c'est qui? C'est toi-même. Tu dois te remettre en question. Implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas chercher le mal chez tes frères. À réfléchir, ah je pense lui quand il a vu ma voiture la dernière fois, elle l'a étonné. Je pense que c'est à cause de lui que j'ai eu un accident. Et il a des mauvaises suspicions sur ses frères. Ceci est un comportement blâmable. La première personne que tu dois blâmer, c'est toi-même. Remets-toi en question. Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après ce verset, qu'est-ce qu'il dit? وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire que s'il t'éprouvait pour chacun de tes péchés, tu serais constamment dans l'épreuve. Il t'aurait anéanti. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il châtiait les gens pour tous leurs péchés, il n'aurait plus laissé une seule créature vivante sur terre. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne t'éprouve pas plus. Et patiente face à cette épreuve. Le cinquième conseil, c'est de prendre garde à toute personne qui fait de la ruqya son métier. Et ceci est répandu à notre époque. On trouve certaines personnes qui ont même des cabinets de ruqya. Si tu vois une personne comme cela, qui fait de la ruqya son métier, qui consacre son temps à cela, éloigne-toi d'elle. Ne cherche pas la guérison auprès de cette personne. Car cette personne a emprunté un mauvais chemin. Ce qu'il fait est une chose qui n'était pas connue chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous entendu qu'un compagnon consacrait son temps à soigner les gens par la ruqya? Avez-vous vu des récits de certains parmi nos imams? L'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala, ou d'autres parmi les salafs qui ont fait de la ruqya leur métier. Pourtant, ils étaient bien plus pieux et bien plus savants que ces gens. Pourtant, ils n'ont pas consacré leur temps à cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui peut profiter à son frère, qu'il lui profite. C'est-à-dire, si quelqu'un peut faire la ruqya à son frère, qu'il lui fasse. Qu'il lui profite en lui lisant le Coran. Mais si une personne fait de cela son métier et met des tarifs, la ruqya, 30 minutes en groupe, 20 personnes dans une pièce, 50 euros par personne. Quelle est son intention à celui qui fait cette ruqya? Est-ce qu'il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en réunissant des personnes dans une pièce, en leur récitant le Coran à tous en même temps et leur prenant une somme d'argent aussi considérable? Ceci est une chose à laquelle il faut prendre garde. Également, généralement, ces personnes, tu verras qu'elles pratiquent de nombreuses choses qui ne sont pas légiférées et qui n'étaient pas connues du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Et parmi ces choses, ce qui s'est répandu, ici en France notamment, est que les gens appellent le captage. C'est-à-dire que le raqi, il vient avec une personne qui auparavant a été malade et touchée par un djinn, et il prétend faire sortir la personne du malade pour l'amener à celui qui a été malade avant, et ensuite celui-ci se débarrasse du djinn. Tout ceci fait partie du charlatanisme. Tout ceci fait partie des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. Et cela, en réalité, ils s'amusent de la faiblesse des malades qui se rendent chez eux, espérant la guérison, Wallahu al-musta'an. Donc tu dois te rappeler sans cesse que la meilleure ruqya que tu peux faire, c'est celle que tu te fais à toi-même. En étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, en empruntant les moyens légiférés. Tu te soignes toi-même et tu ne cherches pas à aller te faire soigner par autre que toi. Car tu es capable de lire les sourates que l'on a mentionnées. Tu es capable de te réciter la Fatiha. Tu es capable de te réciter Ayat al-Kursi. Tu es capable de te réciter les trois dernières sourates du Coran. Donc, ne fais pas que ton cœur s'attache à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, ils s'attachent au raqi. Ils pensent que ce raqi, il va être plus efficace qu'un tel. Quand celui-ci me fait ruqya, je ressens mieux, un meilleur effet que celui-ci. Et son cœur se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait du raqi celui qui détient la guérison, wal'ayadu billah. Et ceci est une grave erreur dans la croyance. Car le raqi, il est juste une cause pour toi. Lorsqu'il récite, c'est une cause. Il n'y a pas de doute que plus il est pieux, plus la ruqya sera efficace. Il n'y a pas de doute qu'un pieux, lorsqu'il invoque, il a plus de possibilités de se faire exaucer qu'une personne qui est perverse et plongée dans les péchés. Il n'y a aucun doute de cela. Cependant, ton cœur ne doit pas être attaché à cela. Mais tu dois attacher ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui détient la guérison entre ses mains. Le sixième conseil, c'est que tu te rappelles que l'épreuve, en réalité, c'est un bienfait. C'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent comment une épreuve peut être un bienfait. L'épreuve, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs qu'il aime. L'épreuve, c'est une cause pour le pardon de tes péchés. L'épreuve, c'est une cause pour que tes hasanats augmentent si tu patientes dans cette épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder une immense récompense. Il va te pardonner de nombreux péchés. De plus, il se peut que si tu aurais été en bonne santé et que tu n'aurais pas été éprouvé par cette épreuve, tu serais tombé dans de graves péchés. En effet, certaines personnes, lorsqu'elles sont malades, cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lie son cœur à Allah en espérant la guérison. Il devient assidu aux prières à la mosquée, il devient assidu à la lecture du Coran. Et il réforme sa personne. Sa maladie, c'est une cause de sa réforme. Son épreuve, c'est une cause pour qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'épreuve, c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu la vois sous cet angle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes dit dans le hadith authentique, « Ajaban li amri al mu'min » L'affaire du croyant est étonnante. Elle est surprenante. « Inna amrahu kullahu khayr » Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, toutes sont un bien. « Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min » Et ceci n'est pour personne, si ce n'est pour le croyant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « In asabathu sarra shakar fa kana khayran lahu » S'il est dans un moment d'aisance, il est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une bonne chose pour lui. « Wa in asabathu dharra sabar fa kana khayran lahu » Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente et ceci est à bien pour lui. Donc le croyant, il est sans cesse dans sa vie entre les moments d'aisance et les moments de difficulté. Lorsque tu es dans un moment d'aisance, c'est une épreuve et ce qui t'incombe, c'est d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu es dans une difficulté, c'est aussi une épreuve et ce qui t'incombe, c'est de patienter face à cette épreuve. Et si tu patientes dans la difficulté et que tu es reconnaissant dans l'aisance, alors tout ceci est un bien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le septième conseil donné à une personne éprouvée par la sorcellerie, c'est qu'il prenne garde à se soigner par des choses interdites. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas descendu une maladie sans descendre avec celle-ci son remède. Certaines personnes le connaissent et d'autres l'ignorent, comme il est venu dans le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce remède, il n'est pas permis qu'il soit fait à partir d'une chose interdite. Et encore pire, qu'il soit fait en faisant le plus grave péché commis sur terre, qui est le polythéisme, le shirk. En effet, il y a certaines personnes qui, pour se soigner de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rendent chez un sorcier pour qu'il enlève le sort. Et ceci est interdit à l'unanimité des savants. Il n'est pas permis que tu te rendes chez un sorcier, même si c'est celui qui t'a ensorcelé, pour lui demander d'enlever le sort par un autre sort. Ceci nous a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui souhaite se soigner, comme on a dit, il emploie les méthodes légiférées parmi les ruqyas que l'on a citées précédemment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « La ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka » Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'elle ne contient pas de shirk, tant qu'elle ne contient pas de polythéisme. Donc, le fait que la personne elle soit éprouvée et ensorcelée, mais qu'elle ait une aqida, une croyance saine et authentique, qu'elle ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement l'ensemble de ses adorations, c'est meilleur pour elle d'être dans cette situation plutôt que d'être guérie, mais d'avoir donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il meurt dans cette situation, il sera éternellement en enfer, wa li'aydu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, c'est-à-dire à celui qui meurt dans cette situation. Celui qui meurt en ayant fait du polythéisme et qu'il ne s'est pas repenti, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Innahu man yushrik billah » فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Le huitième conseil qui rejoint ce que l'on a dit précédemment au sujet de ceux qui prennent la ruqya comme métier ou autre charlatan. Donc ce conseil, c'est que si tu es contraint de demander l'aide d'une personne pour la ruqya, alors choisis une personne pieuse. Choisis une personne que tu vois assidue dans ses adorations, une personne que tu vois à la mosquée, une personne que tu vois prier. Et ne choisis pas une personne qui est loin de cela, loin des mosquées, loin de la piété, etc. Car cette personne, si elle est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne fait pas des œuvres qui la rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'espères-tu d'elle ? Attends-tu que cette personne te soit profitable ? Il n'y a pas de doute qu'elle ne te sera pas profitable. Mais celui qui te sera profitable, c'est celui qui est pieux, celui qui en apparence est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant, comme on a dit, qu'il est indispensable que ton cœur soit lié à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à cet homme qui récitera le Coran et qui n'est qu'une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Le neuvième conseil, c'est que tu te rappelles pour te consoler que celui qui était meilleur que toi est meilleur que l'ensemble des hommes depuis le début de l'humanité a été touché par la sorcellerie. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. Il est tombé malade à cause de cela. Cependant, cette sorcellerie, elle a atteint son corps, mais elle n'a pas atteint sa raison. Et ceci n'a rien, en rien, empêché sa bonne transmission de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le dixième conseil, donné à celui qui est touché par la sorcellerie ou par tout autre mot ici-bas, quelle que soit la maladie ou quelle que soit l'épreuve qui le touche, tu dois te rappeler que ce bas monde est éphémère. C'est juste un lieu de passage. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour que tu demeures éternellement sur terre. Mais il t'a mis dans ce bas monde afin de t'éprouver. Est-ce que tu vas patienter sur le droit chemin ou est-ce que tu vas te détourner de ce droit chemin? Et ce bas monde, il est rempli d'épreuves, de calamités et de malheurs. Tu es ici pour être éprouvé. Tu n'es pas dans ce bas monde pour profiter de ses désirs et de vivre sans cesse dans le bonheur, sans aucune épreuve et sans aucun malheur. Celui qui pense cela, qui pense que ce bas monde, il peut être plaisir constant, sans aucune épreuve, alors il s'est certes trompé. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cela une caractéristique de l'au-delà. C'est dans l'au-delà qu'il n'y a plus aucune épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, si seulement ils savaient. Quant à ce bas monde, tout bienfait dont tu peux jouir ici-bas, il est éphémère. Il va disparaître. La santé, elle est suivie par la maladie. La force, elle est suivie par la faiblesse. La richesse, elle est suivie par la pauvreté. Tout bienfait dont tu peux jouir ici-bas, il est éphémère et elle disparaîtra un jour ou l'autre. Donc, il est indispensable pour le serviteur de se rappeler de cela. De se rappeler que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense est meilleur et plus durable. En effet, il y a au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur ne peut s'imaginer. Donc rappelle-toi de cela lorsque tu es dans des moments d'épreuve et comporte-toi d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, je conclurai en rappelant l'histoire de cette femme qui a été touchée par des crises d'épilepsie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le rapporte Ata ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala qui a dit: قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة. Il dit Ata ibn Abbas m'a dit: souhaites-tu que je te montre une femme du paradis? فقال قلت بلى. Il a répondu: bien sûr. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله لي. Il dit: cette femme noire est venue au prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit: je suis prise de crise d'épilepsie et je me découvre. C'est-à-dire, pendant ces crises, celui qui est touché par des crises d'épilepsie, souvent il s'évanouit, il tombe par terre et elle se découvre. Alors elle a donc dit au prophète صلى الله عليه وسلم: invoque Allah pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit: in shi'ti sabarti wa lakil jannah. Si tu veux, si tu le souhaites, tu patientes et tu auras le paradis. Wa in shi'ti da'awtullah an yu'afiyak. Et si tu veux, j'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le choix entre la patience dans l'épreuve, avec comme récompense le paradis, et la guérison par la cause de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Asbir. Je patiente. Si j'ai le paradis au bout, je préfère patienter sur cette épreuve. Et c'est cela que tu dois te rappeler lorsque tu es éprouvé. Si tu patientes, la bonne fin, elle sera pour toi, incha'Allah ta'ala. Donc elle a dit asbir. Ensuite elle a dit walakinni atakashaf. Cependant je me découvre. Sa piété a fait qu'elle n'a pas voulu laisser cette chose. Ainsi, elle a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: fad'u Allah li alla atakashaf. Invoque donc Allah pour moi afin que je ne me découvre pas. Fada'a laha. Il a donc invoqué pour elle, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle ne se découvre plus lorsqu'elle était prise de ces crises d'épilepsie. Et cette femme fait donc partie des femmes du paradis, radiyallahu ta'ala anha. Ceci était donc quelques conseils concis à toute personne éprouvée par la sorcellerie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la guérison à l'ensemble des malades musulmans et de nous préserver ici-bas de toute maladie et de tout mot. Il est certes capable de toute chose. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.